سلام يا اهل السلام، معكم علي العم دو مادلين، نبي معكم. Of Brian Lee dans son Live and Dangerous. It's just wonderful to be here tonight, ladies and gentlemen. 1, 2, 1, 2, 3. Yeah, we go way back now, baby. Back when I was a youngster. Heard of the Susan Q, and I know you heard of the chicken too. I know you heard of the cha-cha too, but the walk is a dance that you can do. Will you walk? Come on and walk. I do the walk. Yes, you walk. Will you walk? Well, I know you heard of the Texas hop, and I know you heard of the old fox trot. When you do the walk, you can ride in style. You just shake your hips and close your eyes. Walk, come on and walk. I do the walk. Yeah, you walk. Gonna walk, yeah, you walk. Do the walk now. You heard of the old mambo, and I know you heard of the old congo. When you do the walk, you can lean in close, and don't step on your partner's toes. Where you walk, I do the walk. Come on and walk. Yes, you walk. We're gonna walk. I do the walk. Well, if you don't know what it's all about, come on with me, I'm gonna show you how. I will do it fast, and we'll do it slow, and we'll do the walk everywhere we go. Come on and walk. I do the walk. Yes, you walk. Come on and walk. Alors, Brian Lee, qu'en pensez-vous? Brian Lee, moi je l'ai découvert une de mes émissions de radio ici à Sherbrooke. C'était complètement par hasard, on voulait mettre du blues et puis on a découvert Brian Lee. Et depuis, Brian Lee, c'est un des bluesmen, un de mes bluesmen favoris. D'ailleurs, il exerce toujours. Et puis ils sont rares, hein, les grands comme lui, qu'on a la chance d'avoir toujours. Donc là, comme Ali Lam de Madeleine, Madeleine le Bahloul, elle est d'Altebki, ou là qui tebki tebki bezef. Ana, j'aime bien quand on dit pleurer comme une Madeleine, ça m'a toujours intrigué. Genre, pleurer comme une Madeleine, tu m'as tebki bezef. Donc l'émission a dit fait bzaf, en tout cas smata bzaf ou la musique bzaf ou la hadra bzaf. L'émission aujourd'hui, j'ai voulu vous la faire pour vous donner une petite recette pour des petits déjeuners spécialement ou là typiquement je ne pense pas, mais en tout cas kabil. Donc juste après le moussika, n'attelle comme les ingrédients, bah qui va je dire, quand on doit je suis à cuisine, n'attelle comme je suis à des recettes, pour que vous fassiez plaisir, pour que vous vous fassiez plaisir surtout, سمحولي. Donc نخليكم شويه مع براين لي ونتي نهضر لكم على لي زانغريديون وكل واش يجي معاهم. Pour votre plaisir bien sûr. À tout de suite. As good as you. Don't take my blindness for a weakness. I said I'm just as good as you. But every time that you make one, shucks, I've got to make two. Look here. You can drive your car, you can see your money. I've got to live in this jungle, and you know that that ain't funny. Don't take my blindness for a weakness. I said that I'm just as good as you. But every time that you make one, Lord, I've got to make two. Now listen. You can see the sun, the moon and the stars. All I see is a darkness and lots of emotional scars. Don't take my blindness for a weakness, 'cause I'm just as good as you. But every time that you make one, oh Lord, I got to make two, sometimes three or four. I've got to cross a busy street. I can't see the traffic. It's scary. I don't mean to sound too graphic, but don't take my blindness for a weakness. Buddy, I'm just as good as you. Every time you make one, shucks, I've got to make two. I got to say one more thing to you. Can't see the smile on my kids' face, the beauty in my woman's eye. But every time I touch them, you know I realize that. Don't take my blindness for a weakness. No, because I'm just as good as you. Every time that you make one, oh Lord, Lord, I've got to make two. Shucks. Don't take my blindness for a weakness. I said I'm just as good as you. Yes, don't take my blindness for a weakness. I said I'm just as good as you. Every time that you make one, I got to go ahead. So enough, got to make two. I have to say that again. I say, every time that you make one, Lord, I gotta get down hard and make two. I think every time that you make one, Lord, Lord, Lord, what about them? I'm talking about the blues, y'all. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. I said yeah. I said yeah. I said yeah. Don't it make you feel all right? See, every time that you make one, one love, I said, now. I've got to make two. Yeah. Voilà, le grand Brian Lee. Donc, on a un kimlo à son album Live and Dangerous. Live and Dangerous. Ouais. Un kimlo à l'album Tao, toujours. Entre deux chansons, Nji et Anashuyana Dalkum, notamment la recette, les habits de partager à Magum. Bajit Lalkum, je suis al moral, car il nous donne un sbah. Et puis, Taibo, j'adore cuisiner. C'est l'un des moments de la journée où je suis vraiment détendue. J'ai deux moments, enfin plusieurs. Mais il est clair que quand je suis avec ma petite famille, là, c'est incomparable. Là. C'est pas que des moments de détente, c'est des moments de joie et de plaisir intense. Et qu'il y a d'autres moments où je fais le vide et puis je m'occupe à faire la chose et je prends beaucoup de plaisir à la faire aussi pour faire plaisir. Donc cuisiner et prendre ma guitare. J'adore. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Le ménage et tout ça, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire le ménage. Hein. Non, mais on parle pas de ça. On parle de cuisine et puis le ma'an khallouhom. Ou si vous êtes en couple, khallouhom votre moitié dirhom ou la khallou le gatti lhas tbasa ou la dabrou raskom lhasol. Donc lyouma hna hdalkom ala lmchoucha. Kayen balak li yarfouha. C'est l'omelette kabyle, lmchoucha fait à base de farine et d'œuf. Donc kayen plusieurs recettes. Bsa hna je vais vous donner la plus facile, la plus rapide à faire et sûrement la plus délicieuse. Moving on down, I'm doing that second line. Everything, hey, it's gonna be alright. I'm stepping on down, I'm doing that second line. Look at her now. Way down yonder in New Orleans, that's the home of the Mardi Gras scene. Way down yonder in New Orleans, that's the place of the Bourbon Street Queen. When I'm out of town, people treat me so kind. Makes me homesick. I'm about to lose my mind, so I gotta get back. I'm gonna hitch on the train. Second line home, down to New Orleans. Yes, yes, yes, yes. Gonna be alright. I'm stepping on down, I'm doing that second line. Line. Right on, Ruth. rejoicing. We're doing it, man. Showing up doing it. Mardi Gras. Mardi out. I said Mardi Gras. Mardi out. Magnifique. Hey, fellas. Way down yonder in New Orleans, that's a land that is hot and green. Way down yonder in New Orleans, that's the home of the Mardi Gras scene. We're gonna blow the name out in the street. Get yourself together, I get on with the beat. I gotta get back, I'm gonna hitch on the train. Second line to hold down to New Orleans. Yes, yes, yes. Gonna be alright. I'm stepping on down. I'm doing that second line. Everything gonna be alright. Yes, it is. Stepping on down. I'm doing that second line. Second line, everything was gonna be alright. I'm stepping on down, doing that second line. The Blues Power Band, Merci beaucoup. We got a little thing for you called Rocket 88. A one, two, a one, two, three, four. Donc, je suis de retour. Ben, je ne vois que les Ntao. Les rarmissements là sur les ondes de Radio Hachicha. Yani, ben, j'ai juste parlé podcast. Raconte ma fille Brian Lee. Brian Lee, il est né en 52 et Brian Lee, il exerce toujours. Hein, il est du Wisconsin, si je me rappelle bien. Donc, je nous l'ai la recette Tana. Le mchoucha se fait avec des œufs, de la farine et de la levure. Mais c'est toi, l'eau. Ouais. Donc, ils mettent comme l'assel. Après, vous dites, je te l'aura. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dans le halib? Le halib ou de la crème de cuisson légère, liquide, la crème liquide de cuisson liquide. Et anazidha la crème de cuisson liquide, elle est crémeuse, elle a plus de goût qu'inzidha. Donc, bach dirouha, il y a comme bit farina, levure, l'assel bach dirouha après diab, zit bach akhlouha. Et li habou hadji tnfakh plus, li habou had koun fi un peu plus de goût. Une crémeuse, déroulha ou le halib. Enfin, moi je préfère la crème liquide. Ou donc nous les juste après de la chanson, n'a-t-il comme les quantités. À tout de suite. Everybody in my car gonna take a little dip. We're gonna move on out, moving and moving along. Go on, boogie with your bad self. Cause we going out about the half past eight. Going around the corner, gonna get outside. 12 to 5th. Everybody in my car, we all gonna take a little nip, cause we's moving on out, moving and moving along. We's gone, y'all. La quantité pour une personne, enfin, Nanatel, comme les quantités pour une personne, ou là vous voulez manger plus ou là moins, vous ne faites que des opérations arithmétiques de division ou de multiplication. Donc, pour une personne, il est comme 3 œufs, donc la tabédate, pour les 3 œufs, 3 cuillères à soupe de farine, pas trop par hasard. Ouais, moyennement, il faudrait pas que tu coules la pâte trop épaisse. Ou vous prenez une petite cuillère à café, la moitié t'as la levure, la moitié t'as une cuillère à café de levure. Ou là, la moitié t'as un sachet pour 3 œufs et ou là, vous pouvez en rajouter. Les spécialistes t'as la levure et les gâteaux et tout ça. Comme les machines spécialistes, déroule la moitié. La moitié, tu as une cuillère à café ou bad chauffe. Vous essayerez sûrement parce que c'est une très très bonne recette. Donc, nous, comme juste après, parce qu'il faut le créer comme Adlonia, elle est excellente. Donc, just like a stranger riding on a hollow ground, lost in contempt, looking for danger. That stuff is gonna kick you down. I've got blues on my mind, love in my heart. I've said blues on my mind, love in my heart. Yeah. Now wait a minute. All right now. Now look here. I want to make you the stars of my show. Yeah, the line is very simple. Says I've got blues on my mind, love in my heart. Yeah, but see what I want to do, first of all, I want the ladies to sing, I've got blues on my mind. That's right. And then I want the fellas to sing, love in my heart. You got it? Shall we try it? Here we go now. All right, ladies. I've got blues on my mind. Fellas, love in my heart. Come on, ladies. Blues on my mind. Don't be shy, ladies. Fellas, love in my heart. Come on, ladies. I've got blues on my mind. Fellas, love in my heart. One more time, ladies. I've got blues on my mind. Fellas, love in my heart. blues on my mind. Sure there'd be some love in my heart. I said blue on my mind. I've got love, love, sweet love. I said blue. Oh yes, yes, yes, love in my heart. I've got blues on my mind. Gonna be some love in my heart. Donc, vache-nous l'eau de la recette ou on crée les comas Brian Lee juste après. Donc, vous prenez vos œufs, vous les mélangez bien, didolham la farine, un peu de sel, une petite pincée de sel, une toute petite pincée de sel, didolham la levure, ça serait bien quand mélangez au hamar la farine, mais je connais didolham tum tum. Outre le tout, vous mélangez tout ça, vous mettez de côté et match dans une poêle d'érofé à une. Disons deux cuillères à soupe d'huile. Vous étalez l'huile mleh fla poêle, oui. Outre l'eau avec des étrangers, donc à feu moyen, hein, feu doux moyen à peu près. En bas, vous avez de l'autre côté, vous avez votre mélange, donc votre omelette kabyle, qui est peut-être mer. En bas, des rois à fla poêle, outre toi, outre l'eau, c'est une fort blague. Donc, comment vous saurez que tu ne frites bien? Parce que, qui te compte, tu as un liquide dans le four. Donc là, c'est pas bon. Ou là, tu as beaucoup de temps, tu as un peu de temps, liquide, tu as un peu de temps, tu es trop fort. Donc, très loin, si tu vois que tu as un peu de temps, c'est que tu as un peu de temps. Dobroha, très loin, 2-3 minutes, tu es dans l'autre sens. Ou normalement c'est prêt. Tchardjouha sroona ou dirouha la selle le four. Quand ils dirouha khabza complet, quand ils dirouha des petites habat sgar. Ana nhab ndirha khabza complet. Après on la même mon kabili dirouha khabza complet, on va dire la diviser sur plusieurs tranches. Ana kant ma mère dirha habat sgar parce que c'est plus peut-être que pour des enfants c'est plus propre. Donc voilà, qui tchardjouha dirou la selle, tchardjouha tchorb la selle, bad vous vous servez ou qui me koulou adna chahia taïba. Pour revenir sur le détail, t'as la hlib barkoula la crème liquide. Nous l'ai après la chanson, on l'a encore comme doc. Donc la crème liquide, kif kif, ma'al hlib, quand vous ma'al, je veux dire ma'al l'bed, qui tchaltou ma'al l'bed de votre crème liquide, ou d'amakash, ma dirou ni hlib ni crème liquide, tchaltou ghir l'bed, farina, une pincée de sel, ma'al la levure, et puis vous faites cuire ça sur une poêle huilée, ou à feu moyen doux, hein. Ouais, plutôt moyen doux, plus que moyen. Donc voilà, des deux côtés, ma dirou la l'assel. عسل وتخيروا ما انا منين داك ندير لها السيرو ديرابل سي اوسي اكسيلون فوالا ça se mange très très bien avec ça se enfin on peut boire du thé avec c'est succulent مع ولا الحليب كلاسيك et vraiment c'est très très bon donc تحبوا روحكم ديروا دي بيتي داج هكا. fixes me what I need. Then she pull up my easy chair and she puts on some Jimmy Reed and she loves me till it hurts. Yeah, then she loves me till it hurts. Yes, she loves me till it hurts. That big fat woman, man, that's how it always is. Come here, big fine woman. Voilà, donc n'tahbou rohkom, commencez votre journée avec un bon petit déj. Kayn dalik une deuxième petite astuce. Hna adna f le Canada ybiou les minute maid, quelque chose, c'est des concentrés de jus d'orange. Alors hna nchrou l'original, donc que du jus d'orange fait. Hadak tu le fais diluer dans le je crois 750 ml d'eau. وحنا نزيدو له في الدار نزيدو له دي بامبلموس روز hein, ça donne un goût succulent, c'est vraiment très bon. Pamplemousse rose, des bananes pour la touche de douceur et مع المشوشة ou la thé ou la قهوه ou la cappuccino ou la chicorée, on aime la chicorée, c'est vraiment délicieux. Vous commencez votre journée super bon pied. Voilà, donc pour Brian Lee, il y a quelques années, Jazz au Québec, il a fait un tabac, il est en Louisiane en ce moment, il réside en Louisiane, donc la Nouvelle-Orléans. Il est comme l'avant-dernière chanson Tao, on nous lit juste après. And we know that we love each other and so. Ain't no need to worry, nah. I said that it just ain't no need to worry. I see, you see, and we see the beauty in each other, and so. There just ain't no reason to worry. Well, ain't no reason to worry. No, it ain't. You do, and we do. I look forward to tomorrow, and so I said there ain't no need to worry. Well, just ain't no need to worry. Brother Bruce, yeah. Said you know, and we know that we love each other, and so ain't no need to worry. Voilà, kuntum ma l'avant-dernière chanson à l'émission Talium. Madeleine andha ma bkat, je crois. Non, oh, bah, c'est bien. Faut pas le coup. Hein. Donc voilà, bah, juste un petit conseil pour le Mchouja. Quand on a souvent des invités, les Mourlacha Mihabouchi Rouho, non, même ça nous fait plaisir de les avoir. Mais parfois, même avec le Wahda Mihabouchi Rouho, ne leur faites surtout pas le Mchouja parce qu'après, ils sont dans le dar. Voilà, donc dès le Mchouja, tu dis que c'est rapide, blessel, avec un petit thé à la menthe, mais yo khorjosh metal. Ça nous fait plaisir de leur préparer ça, mais après, ils se maquillent quoi d'eau le lendemain matin pour le petit déjeuner. Il faut dire, voilà. Donc, à moins que ça soit des amis très proches où tu leur dis bon, bah de brassek, voilà quoi. Ça, vous voyez, je crois que vous voyez, mais li comme une tombe. Fait radio chicha ou d'habitou konum chouchette koulium. D'ailleurs, j'ai pour vous un petit cadeau. Et ça va être la dernière chanson de l'émission d'aujourd'hui. Une chanson qui dure 15 minutes 18 secondes. Donc, c'est la chanson grâce à laquelle j'ai découvert Anaïa Brian Lee. C'est, alors, ma prononciation en anglais, elle est un petit peu nulle. Vous l'avez peut-être remarqué. C'est Six String Therapy. Donc, voilà. Nkhlikom comme ma Brian Lee, Six String Therapy. Kuntoum à son album Live and Dangerous. Et donc je vous dis à très très bientôt. Anim salam alaykoum bzaf. Voilà, passez d'agréables moments sur nos ondes. Au revoir. Keep it right there. Six string therapy, a people that's all I need. I said six string therapy, a people that's all I need. Every time that I bend my string, oh yes, yes, that's all I need. The woman put me down, stomped me in a deep, deep hole. I said that the woman put me down, stomped me in a deep, deep hole. But every time that I pick up my guitar, you know it satisfies my soul. I went down to the grocery store, gave the man a $100 bill. Yes, I did. I went down to the grocery store, gave the men $100 bill. See, but blind man, that's only a one. Sure enough, give me a $99 chill. I don't understand why people got to do things like that. Yes. I will always make it through. I said, as long as I have these blues, I will always make it through. Now the good Lord gave me these blues, and I want to share these blues with you. A six-string therapy, people, that's all I need. Yes, I said a six-string therapy, that's all I need. People, that's all I need. Yeah. As long as I got my guitar, I will always succeed. Brother Bruce. Trash. young blood. Yeah. Yeah. Can I get a nice big round of applause for our man over here to my right on the keys? This young man proves each and every night that it takes both the black keys and the white keys to have harmony and beautiful music. Can we get a nice big round of applause for Brother Bruce Katz? The Reverend Bruce Katz. Put that church in that thing, man. Yeah. Then we come to the bass player. We come to the bass player. Oh, he's got him in the bottom. Just like one of those big old fat Mississippi catfish, you know, laying down that mud. Can we get a nice big round of applause for the chief? Cool Joe Blues. Come on, how about for the chief? Yeah. He's paying his dues. Then we come to the drummer. I said we come to the drummer. He's the driving wheel, Mr. Big Beat. He whoop it, cook it, stick it, kick it, whoop it, cook it, stick it, kick it. Whoop them drums, cook them drums, stick them drums, kick them drums. Can we get a nice big round of applause for Greg Parnish? Greg Parnish on the drum. Yes, yes. Then there's me. I am your blind date. And I bet I'm the best blind date you ever had. I am your Braille Blues daddy. And I have a satisfaction guaranteed natural Braille Blues high for everybody. I'm gonna say it loud. I'm gonna say it loud. I'm blind and I'm proud. My name is Brian Lee. Merci beaucoup. You're beautiful. Merci, merci. Magnifique. Now, you know what? See, Bruce Katz ain't the only one who could play the blues. Brent Johnson ain't the only one who can play the blues. Shucks, I can play the blues too. So you mind if I squeeze my baby? I want to mess with my girl. It's the only baby I got to squeeze, so. Well, I'm going to have to squeeze her. Thank you. I'm